Salut tout le monde et bienvenue dans ce quatrième numéro de Manche ton écran. J'ai failli oublier le nombre alors qu'on l'a dit il y a genre 10 minutes. Et en compagnie de Polka, ici moi-même, et Feno. Bonjour tout le monde. Pour ce quatrième épisode, on va parler de Everything Suck. Tu aurais mieux fait de le dire. Everything Sucks. Une série Netflix qui est sortie, je sais plus si j'ai la date. Si, le 16 février 2018, j'allais dire le 16 avril, n'importe quoi. Le 16 février 2018, tous les épisodes sont apparus en même temps, comme d'habitude, sur Netflix. C'est une série réalisée par Michael Mohan et Ri Russo-Young, qui n'ont rien fait de transcendant avant. En fait, j'ai regardé, c'est pas... rien d'extraordinaire, et qui traite, des mésaventures de jeunes ados dans les années 90 et plus particulièrement en 1996. Et donc, on va vous donner notre avis et étayer nos avis plus exactement. Pour commencer, est-ce que, tout simplement, sans pour l'instant donner plus de détails, est-ce que tu as aimé la série, Feno? Oui. Oui, j'ai bien apprécié. Ok, et puis bah, moi aussi j'ai bien aimé. Moi j'ai aimé du début à la fin. Toi apparemment au début t'étais plus mi-figue mi-raisin peut-être. Parce que tu m'avais dit. Non, en fait c'est plus au milieu en fait qu'il y a eu un moment de flottement où ça c'est il y a deux épisodes à peu près qui se sont fait un peu trop longs à mon goût. Lesquels? Comme je disais, au niveau du quatrième et cinquième épisode. Il se passait quoi? Ah oui, mais oui, on va essayer de ne pas spoiler. Hein. Voilà, ça va être compliqué. Mais. oui, ok. Je dirais bouteille d'alcool. Voilà. D'accord, oui. Ah, bah, moi, ça ne m'a pas choqué, mais ok. Ça t'a pas choqué, mais moi personnellement j'ai trouvé ça un peu long en fait. J'ai trouvé que parce que c'est facilement tout un épisode en fait au final là-dessus. Enfin, ça, ouais, c'est autre vrai chose, ça. Hein. Oui. Et en fait. C'est l'épisode de transition quoi. C'est... Oui, ça, c'est... mais c'est l'épisode de transition qui parle beaucoup pour ne rien dire. Je vois ce que tu veux dire. Je suis pas complètement d'accord, mais je vois ce que tu veux dire. ok, puis, mais avant et après ça, t'as plutôt bien aimé. C'est ça, oui. Elle offre bien en matière et elle finit assez bien, je trouve, cette saison. Ah, il y aurait quelque chose à dire sur la fin. Vous en faites pas, oui. On ne spoil pas, on ne raconte pas la fin. On donnera juste notre avis sur la fin sans donner de détails. Il y a franchement moyen de faire ça. En tout cas, moi, j'y avais déjà pensé. Alors, plus exactement, l'histoire, si on veut être un peu plus rentré dans les détails, sans spoiler encore une fois, ne vous en faites pas, toutes les infos qu'on vous donnera sont connues dès le premier épisode, ou alors, mais genre au début du premier épisode, ou au milieu du premier épisode, et il y a juste un élément qui pourrait être considéré comme du spoil, mais qui est finalement tout simplement la fin de l'épisode 1, donc c'est pas non plus un spoil énorme, mais on est obligé de le traiter, sinon on pourra pas parler de la série. Oui, c'est surtout que c'est un point central au fait au final de la série, donc ça serait con de ne pas en parler. Et c'est ça. Parce que... de ne pas mettre ça en avant. Voilà, et on pourrait vraiment pas parler de la série sans parler de ça. Hein. Je pense que t'as compris tout de suite aussi, de quoi je parlais. Oui, oui, bah oui, forcément. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça se passe, je vais dire n'importe quoi, ça se passe à Boring, c'est énorme ce nom de ville. Alors, ça, j'étais mort de rire, quoi. T'imagines, t'habites dans une série qui s'appelle Ennui, quoi. Tu sais, merci pour les beats Arco. Tu t'appelles dans une ville qui s'appelle L'Ennui, quoi. Mais oui, c'est ça, mais. Je reste certain qu'il y a moyen de trouver ça quelque part en France, une ville qui s'appelle comme ça. Hein. J'ai envie de dire, en Belgique, il y a bien une ville qui s'appelle Morville, donc au point où on en est. Ah oui, j'avoue. Mais voilà, rien que ça, déjà, c'était assez énorme. Mais sachant qu'on le sait pas tout de suite que c'est... Enfin, on tilte pas tout de suite que c'est le nom de la ville et tout ça. Ça le dit assez vite, mais c'est pas dès le début de la... C'est pas au tout début de l'épisode. Tu vois le lycée, tout ça. Puis après, tu vois que... Enfin, je dis lycée, mais l'école, je sais plus comment ils appellent ça, high school, sans doute. De Boring. Bon, enfin bref, c'est pas mal. Enfin, moi, rien que ça, déjà, j'ai trouvé ça pas mal. Et du coup, c'est l'arrivée en grande école... au lycée, si on devait faire ça par rapport à la France, l'arrivée au lycée de Luke, McCade et Tyler. Parce qu'il me semble que Kate était déjà là avant eux, si je dis pas de Oui, bêtises. c'est ça. C'est ça. Et du coup, le tout début, c'est vraiment sur leur point de vue, mais ensuite, on va assez vite finalement rajouter Kate au niveau des points de vue. Voilà. Et du coup, ça fait un point de vue principal. On va vraiment suivre. Et encore, on va être encore plus précis si on devait. La série suit principalement Kate et Luke. Mais plus ça passe, et plus. Enfin, il y a certains épisodes qui sont vraiment centrés sur Kate et d'autres qui vont être un peu plus sur Luke, mais tout en restant sur Kate finalement. Le début, on a l'impression qu'on va tous les suivre, puis finalement, on est quand même beaucoup plus sur Kate en fait, quand on y pense. Oui, c'est vrai, à ce niveau-là, je pense que c'est assez bien départagé, je trouve, au niveau des thèmes abordés, des points de vue, des problèmes qui tombent aussi, parce que c'est, comme on l'a dit, c'est vraiment centré sur les problèmes d'ado à cette période-là. Oui. Et donc, voilà, je trouve que c'est assez bien. Amené. Délimité, amené aussi dans les manières d'être, surtout qu'il y a certaines choses qui nous oh, hop, ça nous tombe dessus, ça c'est fait. Ah ouais, ça, c'est waouh quoi. Et ben justement, donc cette fin de premier épisode, parce que c'est la seule chose qu'on va vous spoiler, mais sans que ça soit un gros spoil non plus, c'est le centre de la série de toute manière, et on va être obligé de vous en parler. C'est un spoil de la fin du premier épisode, hein, y en a 10, hein, vous en faites pas, c'est bon. Donc tout simplement, on apprend assez vite que Kate. Va faire les filles. Voilà. J'attendais que tu finisses la phrase, c'était. Tu t'attendais plutôt à un bon et une grosse Non, bouine. non, non, Bon, non, quand même. je m'attendais pas à ça, non. Je m'attendais pas à ça. Voilà, Kate préfère les filles. Elle se pose quand même des questions au tout début. On dirait que le premier épisode, finalement, c'est le basculement, un peu comme si elle s'est toujours posé la question, finalement. Vu comment c'est tourné, on dirait qu'elle vient de s'en rendre compte, en fait. Alors que ça n'est peut-être pas le cas, mais c'est l'impression que ça m'a donné, en tout cas, je sais pas toi. Ben je pense aussi que c'est à ce niveau-là, c'est bien amené parce que je pense que personnellement, pour tous les adolescents, même encore aujourd'hui, hein, tu ne te poses vraiment la question qu'à partir du moment où tu y es confronté. Alors, Oui. certes, elle a peut-être pu y penser avant, mais techniquement parlant, ben voilà, hop, c'est pof. Enfin, allez, on peut le dire, c'est le premier épisode, t'as un gars qui se ramène pour lui dire. Tu veux être mon copain, tu veux être ma copine? Yep. Voilà. Et Voilà, ça. c'est. Voilà. Il y a tout un truc là-dessus. Et sachant que c'est dans les années 90, c'est pas comme aujourd'hui, où aujourd'hui, ça reste difficile, mais c'est quand même plus facile aujourd'hui de faire un coming out que dans les années 90. Je confirme. Donc, du coup, c'est encore plus. Enfin, c'est très très mal vu dans les années 90. Là, pour le coup, c'est très très mal vu dans les années 90. Et c'est là que c'est intéressant. Parce qu'au début, je me suis dit, années 90, bon, pourquoi pas. Moi, finalement, d'une certaine manière, j'ai connu ça. Pas au lycée, c'est certain. Mais on sait ce que c'est les années 90. Même si nous, c'était pas l'époque lycée. On va ensuite s'attarder sur le côté années 90 de la série. Mais. Là, c'est le sujet, c'est le fait que l'année 96, enfin, en tout cas le fait que ça se passe dans les années 90, est intéressant, surtout pour ça, parce que pour le reste, C'est vrai que le reste aurait pu se passer n'importe quand. voilà, ça serait pas changé grand-chose en fait pour le reste, parce que, D'ailleurs, à ce niveau-là, je oui. pense que c'est. Enfin, peut-être que dans le futur, ça sera mieux exploité, mais je n'ai pas trouvé que justement on ressentait le problème à ce niveau-là. C'est tel que la première saison est présentée, ça aurait pu même se passer à nous. Enfin, je ne sais pas ce que toi tu en penses, ça aurait même pu se penser de nos jours. Amené comme c'est amené, ça aurait très bien pu coller, quoi. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux, mais il y a des enjeux non dits qui seraient. Enfin, disons qu'on n'y aurait pas pensé. Enfin, il y a certaines choses qui ne sont pas dites clairement. Justement, comme quoi le fait dans les années 90, c'est moins bien vu. C'est pas clair. Mais quand tu le sais, enfin, quand tu le. Parce que nous, en tant que spectateurs, si on fait gaffe à ça, on le remarque. C'est ça. Mais c'est vrai que, comme tu dis, ça serait passé de nos jours. Il y en a beaucoup pour qui ça aurait rien changé. Moi, ça m'aurait changé quelque chose. Je me serais dit, bah, pourquoi le cacher? Alors que, enfin, pourquoi? Il y a des raisons, mais je veux dire, par rapport à, enfin, disons que, comment dire, elle le cache à tout le monde, tout le monde, tout le monde, quoi. Oui, c'est ça, C'est mais ça, en fait. tu sais, même encore de nos jours, parfois ça peut être très délicat. Hein. Il suffit de regarder comment ça se passe en France avec le reste d'homophobie, pardon, qui reste un peu comme ça, un peu partout, ça reste encore assez délicat. Oui, mais tu vas pas le cacher à tout le monde sans exception. C'est sûr. Bon, après, encore une fois, si on pense du fait qu'aussi elle vient de le découvrir à ce niveau-là, Oui. je peux en parler, elle vient aussi un peu de le découvrir, elle se pose énormément de questions, Oui. et la question aussi c'est de savoir à qui en parler. Oui. C'est pas le genre de truc que tu vas aller voir à la première, tu vas aller voir la première personne que tu croises, quoi. C'est vrai, mais Je il peux comprendre que du coup elle n'en parle pas à tout le monde y a... Ouais, du mais début. il y a une Enfin, qu'elle n'en parle expression. pas du coup. Il y a une expression, je vais pas vous dire à quel moment ni qui le dit, mais il y a quand même des moments où ils font allusion au fait que quand t'es homosexuel, t'as le sida, quoi. Oui, pas faux. Alors qu'aujourd'hui, même ceux qui sont homophobes vont pas parler du sida pour dire que les homosexuels, ils ont des soucis, quoi, tu vois. Oh, tu sais. Oui, bon, quand on est con, c'est vrai. Quand on est con, on est con. Mais je veux dire, avant, c'était, je veux dire, quelqu'un de lambda, complètement lambda, qui n'est pas forcément homophobe, croyait vraiment que tous les homosexuels avaient le sida. Oui, c'est Et voilà. là, ça a été un petit peu mis en avant quand même. En effet. Et enfin, en fait, je suis assez d'accord avec toi. On l'aurait fait de nos jours. Il y avait moyen de réussir à garder le même enjeu en modifiant certes de petits éléments et tout ça. Et c'est vrai que ça pourrait être entreposé aujourd'hui. C'est vrai. Bah, c'est pour ça que j'espère, en tout cas, si c'est quand ça continue, que à ce niveau-là, Un peu ça soit plus, ouais. peut-être un peu plus. Je pense qu'aussi sur la première saison, parce qu'ils comptent en faire un peu Oui, une deuxième. une Netflix deuxième, ça c'est sûr. a pas confirmé, mais en tout cas, c'est prévu par les créateurs. Donc voilà, c'est, j'ai envie de dire, oui, ça pose en fait le contexte et forcément peut-être rajouter directement ça au-dessus. Ça aurait peut-être fait un peu trop pour les 10 premiers épisodes. C'est vrai. Enfin, franchement, moi j'ai trouvé quand même ça bien mené à ce niveau-là. J'ai trouvé que la réflexion était plutôt bonne par rapport à ça. Oui, Enfin, qu'on soit dans le cas, enfin, qu'on soit homosexuel ou pas, je trouve qu'on se, on arrive plus, enfin, je trouve qu'on arrive à comprendre ce qui se passe, quoi. Voilà. Parce que on pourrait dire, il y a certains moments où c'est très mal fait dans certaines séries ou certains films, mais là, je trouve que c'est plutôt bien amené, et ça donne envie d'apprécier les personnages, quoi. La personnage pour le coup. tout à fait. Voilà, c'est pas maladroit, je trouve. À moins que toi t'aies trouvé des choses maladroites, mais moi j'ai pas trouvé de trucs maladroits à ce niveau-là. Non, rien, j'étais en train de lire le commentaire de Boulet, mais on est en train de leur donner fin, voilà, c'était le Donc, petit aparté. toi t'as pas trouvé que, enfin moi j'ai pas trouvé qu'il y avait je sais plus comment j'ai utilisé le terme d'ailleurs. Non, mais à ce J'ai pas niveau-là, trouvé oui, ce de n'était voilà. pas. Y a pas de C'était caricature, y a pas pas, de. oui, c'est pas de caricature, pas de surjeu à ce niveau-là aussi, je trouve. Après, à la rigueur, on pourrait critiquer une chose, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'est facile, entre très gros guillemets, de parler de lesbiennes. Et alors qu'ils vont dans les séries aujourd'hui, c'est plus dur pour du grand public de dire, ah bah là, on va mettre deux hommes qui s'aiment, quoi. C'est ça qui est un peu triste, c'est que automatiquement, c'est sur des lesbiennes parce que c'est plus simple de montrer les lesbiennes. C'est à la limite c'est le principal défaut sans en être un hein, mais c'est la seule chose que je pourrais critiquer en soi moi. Non, parce qu'en soi, je trouve que même à ce niveau-là, c'est bien, parce que techniquement parlant, quand je vois tout ce qui sort au niveau. Alors là, on sort totalement du film, hein, je veux Oui dire en oui. général, au niveau film, donc LGBTQI. C'est justement énormément, je veux dire, un bon 80% où l'affaire sera centrée sur deux hommes plutôt que sur deux femmes. Ah ouais. Putain, j'ai pas cette impression. Ouais, mais dans le grand public, j'ai pas cette impression-là, Et tu vois. c'est ça le problème, c'est que donc, tu as énormément de films qui sortent, qui sont très intéressants au niveau des thématiques, justement, donc LGBTQI, donc qui sont très intéressants à voir d'ailleurs à ce niveau-là, je pense qu'on sait quelques-uns. Misatsune qui nous Qui ne dit qu'il y sont avait dedans un bon. malheureusement pas adressés Au grand public. au grand public parce que justement il y a des couples homo. Okay. Donc du coup ça reste dans un cadre, enfin dans un cercle plus restreint. Bah voilà, donc finalement ça rejoint un peu ce que j'ai dit, même s'il y a plus de choses que ce que je pensais. Voilà. Je vois. Mais je vais baisser un peu le son de fenêtre. On note aussi qu'il y a énormément de séries qui commencent justement à placer les deux. Bah, comme Arrow. Il y a Arrow, mais il y a aussi Teen Wolf. Oui, mais Teen Wolf, oui. Mais là, clairement, pour le coup, Teen Wolf. Là, il n'y a pas de doute. Teen Wolf, c'est clair. Il y a un couple gay à chaque saison, donc... Non, mais là, c'est bien. Mais voilà. Bon, on va pas continuer à débattre là-dessus, parce que je pense qu'on pourrait débattre encore plus longtemps si on part vraiment là-dedans. Enfin, sans que c'est pas un débat, mais une explication plutôt, parce que je suis assez d'accord, donc c'est pas un débat. Ouais. Mais c'est vrai que donc, finalement, t'as raison. Mais bon, ok. Sachant, donc du coup, on va revenir là-dessus. Donc, c'est très bien mené au niveau de l'homosexualité de Kate. Et du coup, le rapport, par le moment, je trouve, mais attention, c'est pas négatif, hein, par moment, du coup, ses rapports avec Luke sont gênants. Mais pas gênant dans le mauvais sens du terme, hein. Gênant dans le sens où ça nous embête pour elle, finalement. Voilà. Et pour Luke aussi. Oui. Quand même. Ah oui, mais on est gêné pour les deux, mais je veux dire. Oui, voilà. Les deux, voilà. On est gêné. Moi, je sais pas comment tu dis, mais moi, je me suis vraiment senti gêné, mais encore une fois, c'est ce que veut l'histoire, de toute manière. C'est ce que voulait le scénario, c'était nous gêner, c'était le but. C'est pas une question de. Voilà. C'est une gêne qui est voulue et on est mal pour eux et du coup la série arrive à gérer ça quoi et c'est super cool. Et franchement elle est bien amenée parce que voilà entre ça et après aussi le rapport du coup d'amitié qui serait entre les deux qui n'est pas très bien défini à cause justement de ce petit problème on va dire ça ainsi. Qui peut être au final assez touchant et assez problématique aussi pour les deux parce que voilà ça reste un des fils rouges principaux de la série hein. Oui complètement oui. Sachant que les réalisateurs enfin les créateurs de la série ont dit que la saison 2 ça allait toujours se centrer sur Kate hein, d'ailleurs voilà. Oui bah je ne m'étonne pas tout à fait. Mais à mon avis ça ne se centrera pas que sur Kate. Oui bien sûr que si. non mais je suis totalement d'accord. Je suis d'accord aussi avec Arco sur. Enfin d'accord. Oui et non. Je suis pas totalement d'accord avec Arco ce que dit sur le chat. Il dit que le problème dans les séries et films, c'est que quand ils mettent de l'homosexualité, ils en font l'objet principal et ne jamais ça comme quelque chose d'naturel. C'est faut pas en faire une généralité parce que c'est pas le cas justement dans cette série. Certes, c'est l'un des sujets principaux, mais ça paraît pas comme quelque chose qui n'est pas naturel. Voilà. Ça paraît justement très naturel. Oui, c'est ça. Ça replace dans le contexte, comme tu l'as dit, vu qu'on parlait notamment de l'histoire. Oui, tous les homos ont le sida. Mais oui, mais c'était une idée générale, une fausse, hein, une idée reçue qui circulait à ce temps-là. C'est comme tout le monde, tous les homos avaient sida, tous les homos étaient des grandes folles efféminées. Non, ça reste malheureusement. Ouais, bah, y a des choses qui restent, hein, malheureusement. Voilà, mais voilà. Là, tout est très ça. Logique là-dedans. C'est-à-dire que c'était vraiment très, très, très, très, très, très mal vu à l'époque, pire que maintenant. Voilà. Par contre, un reproche que l'on peut faire en général, oui. C'est qu'à l'heure actuelle, la plupart. Alors, ça commence à se calmer à ce niveau-là, mais la plupart du temps, c'est. On fait un personnage gay. Oui, j'entends pas la suite. La seule chose qui définit ce personnage, c'est le fait qu'il soit gay, quoi. Ça, c'est triste. Le fait que, oui, voilà, c'est le problème. Mais ce qui n'est pas le cas dans cette série-là. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on. Déjà, pour cette raison-là, c'est une série à regarder, je trouve. Parce que ça peut peut-être ouvrir les yeux même de certains qui comprendraient pas, tout simplement. Tout à fait. Je pense. Ensuite, on va revenir sur le côté 90s. C'est pas une habitude, c'est pas habituel de dire 90s. Hein. En général, on dit plutôt 70s ou 80s. Mais voilà, donc les années 90. L'intérêt, en dehors du fait que l'homosexualité est très compliquée à cette époque, sachant qu'elle l'est encore aujourd'hui, mais qu'à l'époque c'était encore pire. Et encore, c'était encore pire dans les années 80. Ben en fait, comme on a dit tout à l'heure, ça apporte pas grand-chose. Les vêtements, c'est vrai que les vêtements, on pourrait dire « Waouh, ouais, c'est génial, ça fait penser aux années 90 », sauf que en France, parce que faut pas oublier que là c'est les années 90 des États-Unis. Et en fait, tout le long, j'ai eu l'impression de regarder des séries de KD2A. Tellement. Ah, on est d'accord. Voilà. Oui. Donc, si vous regardiez KD2A dans les débuts, dans les années 90, début 2000, au niveau visuel, ça y ressemble beaucoup au niveau des séries. Attention, c'est quand même mieux, mais. Enfin, mieux, encore, ça dépend des séries. Mais. C'est vraiment ça, quoi. Ça se passe dans un lycée. Enfin, quand ça se passe dans un lycée, c'est vraiment ça, quoi. Il y a le casier est important. Quand tu veux parler à une fille, tu te mets à côté du casier, tu vas lui parler. Enfin, ça paraît logique et bizarre ce que je suis en train de dire, mais vraiment, on a l'impression un petit peu de voir les séries qu'on regardait à l'époque, quoi. Et oui. Voilà. Et donc nous, si ça nous rappelle les années 90, c'est pas parce qu'on a vécu des choses comme ça, c'est plus parce qu'on a vu des séries où il y avait ça à l'époque. Donc oui, quand je dis KD2A, c'est aussi les séries Disney Channel ou les trucs comme ça, parce que c'était pareil. Oui, hein. Raven, Phénomène Raven, les trucs comme ça, enfin bon, voilà. Voilà, Sabrina l'apprenti sorcière. Aussi, enfin voilà, c'est vraiment ça. C'était le code des séries de cette année. Alors d'ailleurs, à ce niveau-là, il faut savoir que c'était un truc qui était un peu... qui a été un peu reproché par la critique, ouais. Hein, c'est que la série, comme Arco le dit, ça revient à la mode, et en fait, c'est... beaucoup pensent que la série surfe sur cette vague de mode. Alors justement, comme on l'a dit tout à l'heure précédemment, il y a le contexte qui est là, même s'il n'est pas tout à fait encore bien défini au niveau du thème de l'homosexualité. Mmh. Et comme je l'ai dit, je pense qu'ils ne veulent pas à ce niveau-là trop en rajouter dès les 10 premiers épisodes. Donc je pense que ça va vraiment avoir... une raison, je veux dire, de se placer dans cette période-là, saisons à venir. Tout à fait, et sachant que là, il y a déjà des éléments, genre, faut savoir que les cassettes vidéo, les VHS, que certains 2000 ne connaissent pas aujourd'hui, c'est un peu triste, ont une importance. Mais pour le coup, c'est bizarre de dire ça, mais c'est vrai. Oui. Et je suis pas d'accord avec Arco, parce que Stranger Things, c'est les années 80. Mais certes, la saison 2 s'approche des années 90, mais c'est les années 80, Stranger Things. Revenons au sujet. Les cassettes vidéo VHS ont leur importance dans l'histoire. Les contextes qui sont l'homosexualité et la monoparentalité aussi, mine de rien, sont, je trouve, plus intéressantes à suivre par rapport aux années 90 que si on était aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, c'est des cas tristement plus nombreux. Et je sais plus là où je voulais en venir. Oui, vraiment, enfin, c'est vraiment cool. Et puis le côté club cinéma, club théâtre, qui ont aussi leur importance dans la série, la manière dont c'est, enfin, ça serait compliqué aujourd'hui de montrer ça. Au goût du jour, vraiment, années 2010 et tout ça. Je sais pas, je pense que ça aurait été moins intéressant, parce qu'aujourd'hui, c'est Facebook, c'est on met tout sur YouTube et tout ça, et en vrai, ça aurait été, je pense, beaucoup moins intéressant à suivre. Ouais. Oui. Oui, alors pour répondre à Arco, oui, le style film vestimentaire et graphisme, oui, c'est peut-être pour attirer un public, mais c'est peut-être, comme on l'a dit, c'est peut-être aussi parce qu'il y a le contexte des années qui est là, hein, par rapport, encore une fois, j'ai l'impression de me répéter à ce niveau-là, par rapport à l'homosexualité, le sida et tout ce qui en suit, qui ne sont peut-être pas des choses qui ont été déjà qui ont préféré ne pas être placées à l'heure actuelle dans la première saison, mais peut-être dans les saisons à suivre. Totalement. Faut voir si ça va jouer. Totalement. Ce n'est peut-être pas la raison principale, du coup, comme pourraient l'être d'autres séries. Stranger Things. Stranger Things, là, pour le coup, l'année est choisie vraiment juste pour faire des clins d'œil et tout ça. Voilà. Bon, après, ils ne s'en gênent pas, hein, ils en profitent, hein, le style, les musiques sont là. Donc... Oui, bah justement, j'allais en venir aux musiques, tu vois. Nickel, tu as parfaitement choisi la phrase, j'allais en y venir. Au tout début, Enfin, directement, on est lancé dans la musique. C'est-à-dire qu'on a l'impression que finalement, l'histoire... Enfin, je sais pas si c'est la musique qui suit l'histoire ou l'histoire qui suit la musique. C'est vraiment... les musiques sont super bien choisies. Sont pas seulement là pour décorer, parce que très souvent, finalement, ça participe à la scène. Mais participe dans le sens où c'est une musique présente dans l'endroit. Et elles ont toujours quelque chose d'important. Et d'ailleurs, en VF, les sous-titres, il y a des sous-titres pour les chansons. Donc, pour oui. bien mon. Alors, c'est le problème de la VF, pas le problème. Aux États-Unis, ils n'auraient pas insisté là-dessus en mettant des sous-titres anglais pour dire regardez, faut écouter les paroles, quoi. Mais c'est juste que les paroles sont vraiment importantes dans la série parce que c'est vraiment en lien avec ce que ressentent les ados. Et plus exactement, c'est un peu comme nous aujourd'hui où on va écouter, enfin je dis nous, mais aujourd'hui ou il y a 10 ans, on écoutait parfois les paroles de la musique parce que ça nous permettait de partir en réflexion, de nous faire penser à nous et tout ça. Et c'est vraiment bien mis en avant là-dedans. Et là, que ce soit années 90 ou pas, quand on est jeune, on est tout le temps comme ça. À écouter, à se dire oh là là, ça fait du bien d'écouter parce que oh, ça me fait réfléchir à ces paroles et tout ça. Et. Je trouve que ça coule bien. Les chansons sont bien sélectionnées. Il n'y a jamais de moment où on dit que ça en fait trop. Parce qu'il y a des films, des fois, on a cette impression-là. Hein. Tu me dis si tu n'es pas d'accord avec moi. Hein. Oui, non, si, voilà, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et promis, Boulem, on va répondre à ta question. On termine d'abord ça. non, vraiment, c'est vraiment cool. Ce que nous dit Bouledem, je pense en parler tout à la, je pense qu'on en parlera tout à la fin. Faut juste pas qu'on oublie. Oui. Vraiment, les musiques juste parfait. En fait, on est en plein dedans. D'ailleurs, la musique d'attente au début du live, parce que comme d'habitude, ce podcast est enregistré en live. D'ailleurs, je suis pas assez près du micro. J'espère que ça va pas gêner au niveau de l'enregistrement. Voilà, les musiques sont top, bien choisies, bien sélectionnées. Il y a toujours un rapport et c'est. Oh, purée, il y en a une. Je bus, hein, je te dis juste le oui, bus. Oui, le bus. Voilà. voilà. J'y pensais. Voilà, rien que ça déjà, c'était juste énorme. Allez, et très. Enfin, tout est bien mené. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui. Enfin, on comprend pourquoi il y a la musique, on comprend pourquoi elle est plus là et tout ça. Quoi. Concert aussi, enfin bon, c'est toujours bien, voilà, c'est toujours voilà. bien sélectionné à ce niveau-là. Franchement, le bus, j'ai regardé le truc, j'avais envie de danser moi aussi. Franchement, je me fais, mais putain, cette musique. C'est trop ça. Et donc voilà. Ensuite, donc, c'est la première fois qu'on reste aussi longtemps sur un manche ton écran, c'est là qu'on voit qu'on a des choses. Finalement, la série apparaît. Apparaît simple comme ça, mais en fait, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Ensuite, on va parler de la fin sans vous spoiler, vous en faites pas, aucun spoil. Moi, j'en ai conclu, et tu vas me dire si t'es d'accord, et ensuite tu pousser ton coup de gueule si tu veux. Moi, j'en ai conclu que c'était poussif. Dans le sens où, oui, c'est vrai, la saison 1 aurait pu être unique, ça aurait pu suffire, mais on a envie de vous forcer, on va forcer un peu pour qu'il y ait une saison 2. Voilà l'impression que j'ai eue. J'ai vraiment. C'est exactement voilà. l'impression que j'ai eue. C'est. J'étais là. Ça aurait pu tellement. Elle aurait pu tellement se suffire. Et alors, il y a le cliffhanger qui arrive. Et t'es là, tu te fais, mais putain, non. C'était pas nécessaire. C'est pas ça, quoi. C'est ça, c'était pas nécessaire. C'est en plus de ça, c'est un truc que, à l'heure actuelle, j'ai en horreur. C'est les cliffhangers à la fin d'une saison. Parce qu'il suffit que la série ne soit pas renouvelée pour une nouvelle saison, que du coup, t'es là, tu enrages. Parce que tu vois, tu sais qu'ils avaient prévu un truc. Bah, c'est même pire que ça, moi, je trouve. C'est que, en plus, il y a eu des réflexions des créateurs, ils ont donné leur avis sur la saison 2, et la manière dont ils ont donné leur avis, on a l'impression qu'en fait, la saison 2, à la fin de la saison 1, ils savaient pas ce qu'ils allaient faire après. Donc voilà. c'est encore pire. C'est-à-dire que... Non, vraiment, c'est forcé. Vraiment, ça aurait vraiment pu suffire, la première saison. Vraiment, même tout, hein, c'est-à-dire que l'élément de fin n'était pas obligé d'être là, ça... Même si il y a des choses qui font que qui peuvent expliquer que cet événement se déroule, ça n'empêche que sans cet événement, il n'y avait pas besoin de, enfin il y avait vraiment pas besoin de cet événement. Mais et j'ai envie de dire, on aurait pu même commencer par ça à la saison qui suit, quoi. C'est vrai. C'est après voilà. Un cliffhanger n'est pas un problème, mais là il était vraiment forcé. Enfin c'était. Enfin, si en fait pour moi un cliffhanger est un problème à partir du moment où une série se retrouve à être arrêtée, parce que tu ne sais jamais si une série va plaire ou pas. Et donc si elle se retrouve à se faire arrêter en plein milieu du truc. Oui mais en général. Voilà. Oui mais en général quand ils font un cliffhanger dans une série c'est parce qu'ils savent à peu près où ils veulent en venir et ça s'explique parce qu'ils ont envie de continuer parce qu'une chaîne va commander des épisodes mais le créateur sait déjà comment va se finir sa série et c'est clairement pas la fin de la saison 1. Donc en général un cliffhanger est explicable même si ça fait chier quand ils sont quand la série s'arrête. Je suis d'accord avec toi. Mais là après c'est un cliffhanger en soi n'est pas un problème. C'est vraiment quand ça s'arrête, c'est chiant. Mais voilà. Mais là, le problème, c'est que même les créateurs, on voit, mais ça se voit en plus qu'ils savent pas du tout où ils veulent en venir. Moi, je trouve que c'est vraiment le cheveu sur la soupe, la dernière seconde, quoi. C'est. Donc voilà, je suis d'accord avec toi, mais là, je trouve que c'est pire encore que ce que toi tu critiques dans un cliffhanger. Certes, mais bon, de toute façon, moi de base, je suis contre les cliffhangers parce que vu le nombre de séries qui se sont retrouvées arrêtées alors qu'ils ont fait la dernière saison qui a été diffusée se finissait sur un cliffhanger. Et à côté de ça, j'espère qu'ils vont pas l'arrêter cette série parce qu'à côté de ça, Grace et Frankie, il y a 4 saisons quoi, donc voilà. voilà. C'est une série qu'il faudrait qu'on parle un jour, Grace et Frankie. Je sais pas si toi t'as regardé, mais. Non, je n'ai pas eu l'occasion. C'est pas ouf. C'est pas nul, mais c'est pas ouf. Hein. Franchement, Everything Sucks est meilleur. Alors si Everything Sucks est arrêté, je rage. Mais là, vraiment, ça donne vraiment cette impression du. On a écrit la saison 1, on était content, mais on a quand même envie de continuer. On sait pas où ça va venir, mais on a quand même envie de continuer. Donc ça se trouve, la saison 2 sera géniale et on va se dire, bon, bah finalement, le cliffhanger de fin de saison 1, c'est pas grave. Mais j'espère que ça va pas, que la saison 2 va pas être une rallonge du cliffhanger de la saison 1, quoi. C'est ça, en fait, le problème. C'est ça, le problème. Pas une annonce, si ça annonce juste un des fils rouges de la Ben bah là, ça serait pas trop saison, grave. Ça fait pas trop grave, parce que de toute façon, c'est un truc, voilà, c'est le genre de choses qui pourrait arriver. Oui, oui. Même parce que c'est une série qui se veut être... proche de la réalité, on va dire ça ainsi, et c'est une chose qui franchement aurait très bien pu arriver, mais voilà, c'est comme je l'ai dit, ça aurait pu très bien se passer au début de la saison suivante et pas à la fin de la première complètement saison. Surtout sur Netflix, en fait, parce que autant sur une chaîne télé, un cliffhanger est important, étant donné que les épisodes vont être une fois par semaine. Certes, c'est la fin de saison, mais faut donner envie d'aller le voir l'année d'après, parce que et la chaîne, faut que tu ailles dessus et faut que tu saches qu'il va y avoir quelque chose. Donc il te faut un cliffhanger. Sur Netflix, de toute manière, Netflix, tu l'utilises tout le temps. Donc même s'il n'y a pas de cliffhanger, tu seras sur Netflix. Quand la nouvelle saison sera arrivée, ça va t'être mis en avant sur Netflix. Oui, c'est ça aussi. Donc en soi, un cliffhanger n'est pas utile sur Netflix, en vrai. Tout à fait. Donc c'est vrai que là, pour le coup, je peux rejoindre Feno. Je vais te rejoindre. Non, mais finalement. De toute façon, je vais me faire une campagne de sensibilisation contre le cliffhanger. Avec pétition à côté. Hein, voilà. On va aller bloquer les rues dans Paris, on va aller bloquer les rues aux États-Unis, on va aller bloquer les rues à Tombouctou. Comment ça, c'est pas utile? Oh là là. Du coup, en revenant là-dessus, on va parler vite fait des personnages. Enfin, on va pas parler des personnages en détail, mais je vais revenir sur une chose, c'est que je trouve quand même que la série est assez bien menée pour que tous les personnages, on les apprécie. Ou pas, hein. C'est-à-dire que si la série veut pas qu'on apprécie les personnages, on les appréciera pas. Mais, ah oui, je voulais venir là-dessus parce qu'on en a parlé un petit peu avant et j'ai perdu mes notes tout à l'heure. Hein, donc voilà. Bêtement, mais j'ai perdu mes notes tout à l'heure. En fait, dans cette série, il n'y a pas vraiment de méchants. Non, c'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'au début, on nous dit, voilà, eux, ça sera les méchants, bah! Mais en fait, non. C'est l'effet, excuse-moi, mais c'est l'effet High School Musical. Voilà. Le premier. Cette comparaison. Oui, voilà, du coup, oui, c'est cet effet-là, mais j'apprécie un peu, parce que du coup, en fait, c'est une série où... Non, c'est même pas c'est même à ce niveau-là mieux amené que High School Musical, parce que oui, non mais bien sûr que oui, hein, j'ai exagéré. C'est pas tout le monde est blanc ou tout le monde est noir, c'est on est tous une palette de gris, on est tous le méchant de quelqu'un d'autre et on est tous Et d'ailleurs, c'est mis en avant dans la série ce petit détail-là. Je l'avais pris dans mes notes aussi. Bravo Feno. Voilà. donc à ce niveau-là, c'est juste très très agréable. D'ailleurs, tous les personnages sont là pour une raison. Il y a juste tous les personnages ont un peu de volume, ce qui est très agréable. Il y a juste un personnage que je trouve qui il est juste là pour faire avancer l'intrigue. Et encore. J'avoue que je me suis dit ah ok. Voilà, je dis pas à quel moment, encore une fois, mais voilà. Voilà, il y a peu de chances qu'on le revoie, donc du coup, ça confirme encore plus mon impression. En fait, il a servi qu'à une chose, mais voilà, On n'en dira pas plus. Mais il a servi à une chose, mais qui n'était pas forcément nécessaire pour que cette chose arrive finalement. Donc, c'était un peu une facilité scénaristique, mais qui gâche pas la série, hein, encore une fois. Hein, mais bon, c'était pas nécessaire, encore une fois. Mais encore une fois, la série est vraiment top. Pourquoi Everything Sucks ? Parce que c'est des ados. Parce que à un moment, il y a tout qui part en couille d'une certaine manière. Et comme disait Arco sur le chat, pour l'ado, l'enfer c'est les autres. Je trouve que du coup, ça colle plutôt bien. C'est rien qui va. Putain, j'ai envie de tout laisser tomber. Je balance tout. Voilà. C'est à plusieurs moments dans la série, il y a cet effet-là. Voilà. Surtout un. Mais en regardant la série, vous saurez pourquoi. C'est difficile à expliquer sans vous spoiler en fait, mais c'est vachement bien mené à ce niveau-là et on comprend pourquoi ça s'écrit comme ça. Et finalement, quand on a été ado à un moment dans notre vie, c'est obligatoire qu'on soit dit, le monde c'est de la merde, voilà. Voilà, c'est ça. Ça part en couille, c'est pas les filles. C'est pas que des filles. C'est pas que des filles. Mais voilà, tous les personnages. Donc pour conclure, qu'est-ce que tu voudrais dire pour conclure pour cette série? Je dirais que c'est donc une série que j'ai donc appréciée de regarder, mis à part encore une fois la transition, hein, que je trouvais un poil longue. C'est une série que je conseille pour ses thématiques, pour son univers et pour ses personnages. C'est une série que je conseille pour tous ceux qui apprécient donc les années 90 et qui du coup veulent se replonger un peu dedans. Et voilà. Mais moi je dirais que c'est une série à voir, donc parce que du coup on va faire comme ça maintenant dans les manches sur l'écran, c'est que à chaque fois il y aura une conclusion par chaque personne qui participe. Je pense que c'est l'idéal. Comme ça ceux qui n'ont pas aimé ils diront pourquoi ils n'ont pas aimé et tout ça. Donc comme Feno, c'est une série que je pense que tout le monde devrait voir pour ses thématiques aussi. Pour répondre à Zatsune, parce que de toute manière ça rejoint mon truc, c'est que non, ce n'est pas que centré là-dessus. Il ne faut pas s'en faire. Il y a d'autres intrigues, mais le problème c'est qu'on... Enfin d'autres intrigues, tout est bien mené, c'est des problèmes d'ado mais qui donnent envie de regarder la série. Et c'est compliqué, enfin des problèmes d'ado c'est pas non plus que je disais KD2A l'autre fois, mais c'est plus l'esthétique qui fait KD2A, hein, pas les problèmes d'ado. Tout est bien mené, mais on veut pas vous spoiler, voilà. C'est-à-dire qu'il y a un point principal qui est important pour vous donner la critique de la série, c'était l'homosexualité de Kate, mais il n'y a pas que ça. Vraiment, c'est une série à pas rater, qui est passée pas inaperçue, mais presque. Donc vraiment, faudrait que vous la partagiez si vous avez apprécié. Les acteurs jouent plutôt bien. J'ai pas eu de moment où je me suis dit, ils jouent super mal. Y a certains surjeux, mais qui sont voulus. Hein. Il faut savoir aussi qu'à ce niveau-là, la plupart des acteurs sont des acteurs sortent un peu de nos habitudes, finalement. On l'a pas vu. De nulle part. Voilà, ce sont des acteurs qui ne sont pas forcément très connus, qui vont peut-être jouer un ou deux rôles pour un épisode sur une telle série. Et à ce niveau-là, c'est bien, c'est très agréable parce que ça fait apporte pas mal de renouveau. C'est vrai, parce qu'il y a certaines séries où on se dit « Ah, lui, je l'ai vu dans ça, lui, je l'ai vu dans ça, lui, je l'ai vu dans ça » et par moment, ça peut casser le truc, mais là, c'est pas le cas. Et putain, ils jouent tous très très bien et il n'y a aucun moment, ça m'a sorti de l'histoire et franchement, je vous la conseille vraiment, cette série. Et je pense pas trahir Feno en disant que nous vous la conseillons, la série. Oui, voilà, je te rejoins, nous vous la conseillons. Vraiment, à voir, franchement. Et puis, si jamais vous avez aimé ou pas, vous n'hésitez pas à mettre en commentaire sur le site padipowo.fr où il y a le podcast. Comme ça, au moins, on aura votre avis. Ça nous intéresse, vraiment, ça nous intéresse, parce que si quelque chose vous plaît ou pas, dans ce qu'on a dit ou dans le programme qu'on a parlé, si vous êtes d'accord ou pas, c'est toujours intéressant de débattre, même dans les commentaires. Vraiment, n'hésitez pas. Et donc, on conclut là-dessus et on vous dit à la prochaine pour le prochain Mange ton écran qui sera donc dans 3 semaines. Parce que chaque émission, c'est toutes les 3 semaines. Vous avez remarqué en live, chaque samedi, c'est une émission différente. Et oui, et pour l'instant, on n'a pas fait d'erreur. Et ça, c'est top. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner aussi à nos flux de podcasts. Vous cherchez sur iTunes Padipowo, vous les trouvez tous. Vous cherchez sur vos logiciels de podcast Padipowo, vous les trouvez tous. Sinon, c'est sur PodCloud, vous pouvez nous trouver, ou sur padipowo.fr. Comme d'habitude, moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter avec Paul K. Le Papy et Feno sur @... Feno underscore Thomas. D'accord. Non, parce qu'à chaque fois, je sais plus. Hein. Oui, mais c'est le problème, c'est la barre de soulignement. À chaque fois, je sais pas, elle paraît. Elle me revient pas en tête. Ah là là. Et sinon, on est tous les deux des membres de Paddy Powo, donc des articles bientôt, j'espère aussi, hein, Feno. Oui. je me sens légèrement pour. Dans une émission, comme ça tout le monde est au courant. On fait comme on peut, on essaie de vous faire ça. En tout cas, les émissions sont là pour vous divertir. N'hésitez pas à donner votre avis, à noter sur iTunes aussi, noter 5 étoiles, ça serait sympa. Notez-nous aussi sur PodCloud, laissez des commentaires, bref. On a besoin de partage, c'est ce qui nous aide à avancer. Et n'hésitez pas à me suivre sur la chaîne Twitch, Papy Polka, où il y a tous ces podcasts qui sont enregistrés le samedi soir en live, et où il y a plein d'autres lives qui sont, ma foi, fort sympathiques, avec un chat très accueillant, mais genre très très très accueillant. Allez, ciao tout le monde.